à toutes et à toutes. Vous êtes sur Radio Campus Lille, il est 15h et vous écoutez la 164e déjà de Goodbye Kevin. Bonjour Pierrot. Bonjour Léna, bonjour à tous. Ça va bien par ce temps ? Ah oui, il fait beau, c'est vraiment très agréable. Ah là là, c'est vrai qu'on croirait qu'on est dans le sud. Ouest. On a souvent un mois de mai, juin très bon hein, sur l'île. C'est pourri. C'est, en plus, c'est pas vrai. Bah, je sais pas quoi. Bon, si. Allez, on va dire que oui. Bon, si. J'espère que ça va bien, Pierrot, et que tu t'apprêtes à passer une bonne émission. Oui, très très bien. Et je te propose qu'on l'entame avec un album que j'ai retrouvé au fin fond de ma wishlist Bandcamp. Un album qui est sorti en 2018 sur le label AB Records. Wishlist, veut dire tes envies. Ma wantlist, ouais, voilà. C'est ta liste de « je veux acheter plus tard ». Oui, sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout comme ça que je l'utilise, parce que je ne sais absolument pas utiliser les outils dans tout ce qui est streaming et compagnie. Moi, je mets des trucs, alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Tu vois, par exemple, on dit « ah, dans ta liste, c'est les trucs que tu veux regarder ou que tu veux écouter ben, ». Moi, pour moi, c'est des trucs que j'ai déjà écoutés ou déjà vus. Donc, c'est débile. Bon, c'est pas grave. Donc là, je m'en sers en fait juste pour pouvoir retenir, me rappeler, me dire ah oui, ça, il faut que j'écoute. D'accord. Voilà. Donc, bref. Qu'est-ce que c'était alors dans ta wishlist ? Eh bien, donc je te le disais, un album qui est sorti en 2018 sur le label AB Records, le même label que le groupe Cassidy et que le groupe Satellite Jockey. Jockey, oui, des Lyonnais. Ouais. Et ou encore Mont Analogue, mais eux, je les connais pas. Je sais pas si. De nom, oui. Mais après ce qu'ils font, je ne sais pas. Donc cet album s'appelle Late Night Confusion et on le doit au Neptune Football Club. Alors j'ai eu du mal à trouver des informations sur ce groupe, mais à ce qui paraît, ça a l'air d'être Florian Adrien, qui est un membre des Satellites Jockey justement, et je crois que c'est un projet solo. Son projet parallèle. Il s'appelle Florian Adrien, il n'a pas de nom de famille. Ah, c'est pas deux personnes distinctes. Non, Florian Adrien. Du coup, il officie sous le nom, enfin je crois que c'est lui, Neptune Football Club. Et donc il y a deux albums au total. Le dernier, il est sorti au mois de mars, là, de cette année. Mais on va écouter le premier, du coup, parce que du coup, j'ai pas forcément écouté le deuxième. Donc je ne peux pas... Mais commençons par cet artiste, commençons par l'entrée. Ouais, voilà. Alors c'est un peu de la pop feel good, planante, rétro, enfin j'aime bien quoi, voilà, ça passe très bien. Un pique-nique quoi. Et donc le morceau qu'on écoute s'appelle Gloomy de Neptune Football Club. Il a un très beau nom en tout cas. Faut juste que ça arrive, mais ça va arriver, t'inquiète. Yeah. C'était le Neptune Football Club avec le morceau Gloomy, issu de son premier album, sorti en 2018. Et ouais, bah c'est parfait pour cette température, Léna. C'est parfait pour cet homme. C'est vrai que c'est estival comme... Avec une petite limonade, s'il vous plaît, et des citrons bien frais. Des citrons, ça peut être frais, des citrons. Ouais, oui, ça peut être frais. Bah oui, tu veux beau frigo. Non, mais ça, oui. Ou ah, frais dans genre fraîcheur... Ou récent, quoi. Ouais, bah oui. Tu as raison. Eh ben, on va aller dans une ville où il y a besoin de fraîcheur. On va à LA, Los Angeles. Donc, il y avait eu plusieurs groupes qui étaient les LA Witch, les Bleach ou les Death Valley Girls. Oui, je vois très bien. Groupes de combo féminin qui venaient de ce pays-là. Eh ben, moi, j'en amène un autre qui s'appelle The Paranoids. Ils sont formés il y a 3 ans. Elle, du coup. Elle, exactement. Bien vu. Donc, après une poignée d'EP, bah, ils sont allés... Elles ont été repérées par le label Suicide Squids Records. Oui. Et là, elles ont sorti leur premier album le 13 septembre dernier, et qui s'appelle Carnage Bargain. Pas facile à dire. Si, c'est très facile en fait. Et donc, elles alternent un garage rock et elles alternent entre garage rock et surf rock. Ok. Voilà. Bon. Tout un programme, hein. Tout un programme. Et elles vont titiller régulièrement le groupe, les B-52s, en termes de son, tu vois, sonorité. Tu vois. Ça revient très régulièrement. Donc je vous propose, on va écouter 2 morceaux d'eux, parce que le premier est très court, et les 2 morceaux sont très bien. On va commencer par Girlfriend's Degree, qui est le plus court. Et le deuxième, juste après, ça sera Heather Doubtfire. Il y a un petit jeu de mots, je pense, par rapport à Madame Doubtfire. J'en sais rien, je suis pas anglais. Et donc, on écoute Girlfriend Degree et je ferai juste un stop pour vous annoncer le suivant. Des Paranoids. Promis, chose due, on va enchaîner avec un deuxième morceau qui s'appelle Heather Doubtfire. Paranoids et le morceau Heather Doubtfire. Eh bien, j'ai beaucoup aimé, encore une fois. Ouais, c'est un album assez complet qui ne se contente pas d'un seul style. Donc, j'avais cité Hellwitch, Bleach et Death Valley Girl. Elles sont peut-être au-dessus du lot de ces trois-là. Moi, je les mets au-dessus. Ouais, je pense aussi. On va enchaîner avec Paint. Paint, qui est le projet solo de Pedrom Siadatian, je crois que ça se prononce comme ça, des Alalas. J'avais déjà passé dans l'émission, je crois, à l'occasion de son premier album en 2018, son premier album solo. Tu l'avais déjà passé un extrait du premier album, ok. Ouais, voilà. Et là, donc, t'as son deuxième album qui vient d'être annoncé chez Mexican Summer, toujours. Et on peut déjà écouter un extrait qui s'appelle Tafarda, ce qui veut dire jusqu'à demain en farsi. Parce qu'il est d'origine iranienne. Ah oui, mais j'ai vu passer cet extrait. Ouais, et j'ai écouté, c'est pas mal. Et j'ai pas creusé. Mais c'est un morceau très court, enfin court, 2 minutes 45. Et quand je suis allée voir et tout, il y avait que celui-ci de dispo. Et en plus, ils font du teasing Mexican Summer, c'est qu'ils passent des petits extraits de 30 secondes d'autres extraits de l'album, justement, qui ont l'air tout aussi bien. Tu peux pas les écouter. Ouais, je vois. Donc du coup, cet album-là, il s'appelle Spiritual Vegas et c'est une réflexion sur la spiritualité, pardon, comme nouveau bien de consommation. Ah. Ouais. Alors en fait, ce qui lui a inspiré ce nom, cet album, c'est suite à un voyage à Bali où il a été frappé par les touristes en fait qui étaient en quête de l'illumination Instagram, c'est comme ça qu'ils l'appellent, de débauche à la Vegas. À la Las Vegas, tu vois. Ouais, je vois. Et donc voilà, parce que en gros, bon, ils voyaient tous ces gens faire ces petits trucs et tout pour leur. Enfin. Ah, c'est vrai que le bien-être, tout ça, c'est à la mode. Voilà. Donc voilà, ça parle de tout ça. Et je te propose d'écouter donc cet extrait. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, il y a un deuxième extrait qui est sorti. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on écoute, c'est Tafarda de Paint, toujours sur Goodbye Kevin. L'album à venir. Ouais. C'était Tafarda, extrait de l'album à venir, du deuxième album à venir de Paint sur Mexican Summer. qui est un des membres d'Alalaz. Oui, c'est ça. Eh bien, nous, on va écouter. qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va écouter un style musical qui est joué que par ce groupe. On va écouter de l'électro-sabar. Oh là là, qu'est-ce que c'est que le sabar? Je vais t'expliquer. Le sabar, eh ben, c'est une tradition sénégalaise qui désigne un style musical. Ouais. Une famille de tambours également. Mais aussi une danse très sensuelle. Souvent, les styles, enfin, quand tu parles d'un truc comme le sabbat, c'est pas que de la musique, c'est vraiment tout un truc qui désigne plusieurs formes d'art. Quand ça, en Afrique ou au Sénégal? Non, au Ghana aussi, c'est pareil. D'accord. Et bien là, c'est le sabbat. Hein. Donc, le sabbat, l'électro-sabbat, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre de deux personnes. Mara Seck, qui est un percussionniste, chanteur et danseur sénégalais. Donc, qui a fait une musique moderne autour du sabar. Voilà. Donc, lui, il a déjà fait ce petit truc-là de son côté. Et il a rencontré Stéphane Constantini en 2016, qui est un Français qui est installé à Dakar et qui maîtrise les percussions mandingues et également les productions électroniques. Ouais. Donc, c'est lui qui arrive avec la touche électro. Et donc, la rencontre de ces deux êtres fait l'électro-sabar, et dans lequel tu as percussion traditionnelle et également électronique, chant et danse. Donc tu as une sorte de rituel lors de leur live dédié au corps et à l'âme. Donc sur scène, ils sont rejoints par un percussionniste et deux danseurs. Donc tu vois, c'est un vrai spectacle. C'est une performance, oui. Oui, c'est un spectacle. C'est pas juste musical. C'est pas, oui, voilà. Alors, j'ai même pas dit leur nom. Ils s'appellent Gis Gis Boubès. Et pour le moment, il n'y a pas de... tous les morceaux de musique qui sont sortis, c'est qu'en version électronique, digitale, exactement, merci Léna. Nous, on va écouter leur première sortie, qui était un EP qui s'appelait Héritage, qui était sorti chez Helico. Et le morceau qu'on écoute, c'est Tribute to Alasek. Et vous allez voir, c'est électronique quand même. Hein. Gis Gis Boubès. Alasek Demna. Yey, bayfal ba dem na. Aduna na xere xam. Dedet, ken munu ko xam. Mama nga ko sanse. Mama nga ka do. Mama ke wa. Ala no ko sek dem na. Mama ko sanse. Mama nga ka do. Mama, la sekk waxam day yena pure man dana wax nan xale mu jodon mak yusu kontana e way jëm ci kanam kontana arono kontane ci kat day nako sama tu couleur bi fecc leur mu nexé dans Goodbye Kevin, dansant, chantant, électroniquement, africanement. Parlant. Voilà, Léna. Très bien. C'est ma note que j'attribue à ce groupe que j'ai encore une fois beaucoup aimé. On passe à un trio qui vient d'Odessa, en Ukraine, qui est composé d'Ira Lupu à la batterie, de Polina Matskevich à la guitare et de Gana Brizata à la basse. C'est bien de préciser Odessa que c'est en Ukraine parce que... Oui. Moi, j'avais, tu m'aurais fait la question, j'aurais fait, je sais pas. Ouais. C'est un mélange de dub et de surf rock, avec un petit côté funk. Et si j'ai précisé tout à l'heure, enfin là, il y a deux secondes, de quel instrument elles jouaient, c'est parce qu'elles utilisent rien d'autre, même pas de synthétiseur. Dans le dub, généralement, tu vois. Ouais. Voilà. Donc là, elles utilisent rien d'autre et elles réussissent malgré tout à t'offrir quelque chose d'assez complet, je trouve. Ouais. Alors, j'ai hâte de découvrir parce que quand tu as la description par les styles musicaux qu'elles font, je suis curieux. Ouais, et alors elles ont chacune, alors attends, encore, c'est une petite anecdote, elles ont chacune des projets solo en parallèle, plutôt orientés genre techno-punk ou électro-expérimental, ou enfin tu vois, les trucs un peu. Il doit y avoir un côté un peu industriel qu'on peut retrouver dans les pays de l'Est. Voilà, et mais alors ce qui est étonnant quand tu écoutes ce qu'elles font, elles n'ont pas sorti d'album pour l'instant, mais par contre, elles avaient sorti 3 titres en 2017 et une autre série de 3 titres en 2019, où là, c'était plus funk. Les 3 premiers en 2017 étaient un peu plus dub. Nous, on va écouter un extrait, justement, de ce premier EP. Je ne sais pas si on peut appeler ça un EP. Il n'y a que 3 morceaux. C'est pas vraiment si on peut. C'est présenté comme single dans leur discographie. Voilà. Donc, cet EP-là, on va dire, il s'appelait Shax. Il était sorti à l'époque sur le label Muscut. C'est le même, c'est un label ukrainien qui est spécialisé dans le psychédélique. Voilà. Et donc, elles sont toujours sur ce label-là. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Ostrova Bezi de Chilera. Thank you. vient d'écouter le trio féminin Chilera avec le morceau Ostrova Bezi, qui est, ma foi, pas mal. Elle chante pas beaucoup. Bon, là, pas du tout, mais j'ai pas l'impression, en fait, en ayant écouté leurs morceaux. Et ça, c'était des morceaux de 2017 ? Ça, c'est 2017, ouais. Ouais, mais c'était cool, hein. C'était, tu vois, un peu... Ouais, un peu tropical, un peu chill et tout. Bah, c'est le côté un peu surf rock mélangé avec les sonorités dub. Eh ben... Je trouvais ça assez intéressant. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais 2017, tu dis bon, est-ce qu'elles vont continuer dans cette voie-là Du coup, en 2019, ce qu'elles ont sorti, c'est un peu plus funky. Et moi, c'est un petit peu moins plus. C'était moins convaincu. Oui. Alors, moi, j'enchaîne avec pareil, avec un artiste qui a sorti un EP ou un single avec trois titres, je ne sais pas comment dire. Comme trois titres. Voilà. C'est Gister, c'est un chanteur, compositeur, un réalisateur de vidéos afro-futuriste, auteur de BD, pour dire tout l'univers qu'il a, assez riche. Notamment les morceaux qu'il a sortis, eh ben, ils sont accompagnés de ses vidéos. Donc il a un EP à son actif pour le moment, mais un EP assez bon, qu'on pourrait rapprocher dans le côté créatif de Chassol, avec les côtés découpe, même s'il y a moins ce côté découpe. Il nage dans une ambiance proche de Sunra, ou encore du funkadelic ou Parliament, c'est plutôt funk. Et tout ça est porté par sa voix R&B. Après, sur scène, il est accompagné de plein de musiciens qui viennent d'Haïti, Madagascar. Donc voilà, c'est un mec qui puise dans plein d'époques, plein d'univers, plein de styles musicaux. Et là, il a sorti un morceau qui est sorti l'année dernière, il y a un an, chez Soda Sound, qui s'appelle Womnix. Woman, mais avec un X à la place du A. Eh ben, Woman. Woman, ok. Voilà. Et c'est un super, super, super morceau, quoi, que j'ai adoré. Moi, j'ai écouté ça et je me suis dit, où c'est que je peux me procurer l'album ? Bon, il n'y a rien de physique, c'est que du digital pour le moment, sauf si je ne me suis pas bien débrouillé. Et donc, je vous propose, trêve de bavardage, de l'écouter dans Goodbye Kevin, émission 164. Gister. Hey, woman. We keep saying that everything is okay, but we couldn't walk half a step in your shoes on this man-made freeway. Hey woman, the world is failing. Hey woman, the world is failing. Hey woman, the world is failing. You can be treated as a white Vous êtes bien sur la planète Radio Campus Lille. À bord du Goodbye Kevin Ship. Et c'était Gister qui était le pilote. En parlant de nom un peu chelou et compliqué à prononcer, enfin pas forcément compliqué, mais dont on ne connaît pas vraiment la manière de prononcer, je vais te parler d'un groupe qui s'appelle Les Sneux. Ah oui. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Les Sneux pour Lesneuvent, je ne sais pas, petite commune du Finistère au nord-est de Brest, dont est originaire Victor Gobet. Voilà, Victor Gobet qui se cache derrière Les Sneux. Et il est membre des Slow Sliders et de Djokovic. Alors je crois que c'est des groupes qui sont assez connus localement, du côté de Nantes et tout. Tu vois cette scène nantoise. Nantaise. Enfin voilà, de ce côté-là. Ok. Il avait sorti un premier album en 2018. Là, il vient de sortir son deuxième album qui s'appelle Bonheur ou Tristesse en mars chez Music from the Masses et Pias. Et c'est carrément pas mal, de toute façon, tu le sais, vu qu'on a eu le même coup de cœur. Oui. C'est de la dream pop un peu minimal. Enfin, il y a des côtés minimal un peu à la Beach House, je trouve. Ouais, et puis parfois il peut même partir vers une pop un peu plus baroque, je trouve. Ouais, mais il a une voix claire qui, enfin je sais pas, qui te happe. Ah, la voix fait tout, elle est forte. Ouais, peu importe s'il chante en anglais ou en français, parce qu'il chante dans les deux langues. Enfin voilà, ça, il fait mouche à chaque fois. Et je trouve que c'est à la fois, c'est très simple et très complet. Enfin, je sais pas. Ou ça donne l'impression d'être simple. C'est, voilà, mais c'est super mélodieux en fait. Mélodieux. Ouais. Mélodio route que. Bon, enfin bon, bref, c'est un peu le petit coup de cœur où on s'est rendu compte que ah bah ouais, ah tu vas passer ça, ah ouais bah moi aussi je voulais le passer. Donc peut-être que si on a le temps, on passera un autre morceau en fin d'émission du premier album. C'était ça, Pierrot? Ou le deuxième, comme ou tu le veux. Deuxième, ok. Nous, en tout cas, on écoute Shocked, qui est issu du deuxième album Bonheur ou Tristesse de Les Sneux. I'm gonna forgive you. C'était Lesneu avec Shocked, issu de son deuxième album sorti récemment. Enfin là, il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus quand. Chez Pia, c'est Music from the Masses. On va enchaîner avec une pépite soul qui est sortie sur le label Coalmine Records. Label qui a été fondé en 2007 et avec l'idée simple, souvent dans ces labels-là qui ont été créés il y a peu de temps, bah, c'est de diffuser de la musique de qualité. Soul. Trop bien. Mais souvent des raretés. On va écouter un extrait de l'album On the Rise de Barbara Howard, un album qui est tombé dans les oubliettes de l'histoire de la musique. Et le label Coalmine, le ressuscite. Ouais, c'est pas ça le terme que je cherchais. Le remet au goût du jour ? Non, c'est pas ça non plus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le ré. Oh, je sais plus. C'est pas grave. C'est dans l'esprit, le remet, bon, c'est le terme, le remet sur le panthéon, le réhabilite. Ah. Voilà, c'était ça. Ouf, pas facile. Et donc, alors même Barbara Ward, il y avait des singles qui étaient disponibles, les diggers ou les spécialistes, les DJ de soul music, les récupéraient, ceux notamment qui sont fans de la... Ouais, j'ai un trou. Bon allez, on enchaîne, on va passer peut-être directement à la musique. Non, de la Nocern Soul, pardon. Ah oui. Même si elle fait une soul plutôt sudiste. Et donc l'histoire de ce non-succès traditionnel, hein, c'est un producteur qui a voulu surfer sur cette vague ou même continuer dans les années 60 à sortir, à produire cette chanteuse, Barbara Ward. Et il y avait tellement de sorties à ce moment-là qu'elle est passée un peu inaperçue. Ah oui. Et le Coalmine Records a fait son travail de digger, de chercheur, a pu les retrouver et a réédité cet album, On the Rise. Et pour la petite histoire, puisque ça finit bien quand même, le producteur et Barbara Howard, ils sont mariés au final. Oh. Même s'il n'y a pas eu de succès de l'album, il y a eu du succès en amour. Et nous, on va écouter Oh Me, Oh My, I'm a Fool for You, Baby, de Barbara Howard. Barbara Howard et son album On The Rise, que je vous conseille fortement d'aller écouter chez Coalmine Records. C'était bon. tout est bon dans le cochon. The Shax, c'est un duo qui s'est formé en 2014 à New York. En fait, c'est Max Schrager et Shannon Weiss qui sont potes, c'est des potes du lycée. Et Max, lui, en fait, il jouait, c'est un petit prodige de la musique et il devait aller au studio pour jouer un morceau, enfin de la guitare sur un morceau produit par Leon Michels, qui est un producteur et qui a cofondé le label Big Ron Records. Et à ce moment-là, lui, et qui est aussi derrière le groupe El Michel Affaire, ouais. Et à ce moment-là, lui, il avait besoin d'un chanteur pour un de ses morceaux. Et en fait, ils ont demandé à Shannon de poser sa voix dessus, qui a une voix très très belle. Et bim, ça a été le début de The Shax. Il leur a dit, bah vas-y, faites des trucs ensemble. Moi, je vous signe. Voilà, donc c'est comme ça que ça a pris son envol. C'est un peu leurs influences. Il y a un mélange de rock psyché des années 60, mais aussi un peu plus années 90. Il y a pas mal aussi un petit côté rocksteady, surtout dans le morceau que je vais vous passer, Hands in Your Pocket, qui était sorti sur leur... Hein, c'est globalement smooth. Hein. Ouais. Et donc ce morceau-là était sorti sur leur premier EP éponyme, qui était sorti en 2016, du coup chez Big Crown Records, et depuis ils ont sorti un album en 2018 qui s'appelle Haze. Mais là c'est pas ce qu'on écoute, on écoute Hands in Your Pocket de The Shax. C'était, pardon, The Shax avec Hands in Your Pocket. Et pour la section rythmique, en fait, elle a été enregistrée. Enfin, c'est The Frighteners qui leur ont fait, le groupe. Ouais, super groupe qui est, je ne sais plus si c'est Big Crown Records ou un autre label soul de qualité. Voilà. Il est le temps de se quitter, Léna. Bah oui, et de se dire à la semaine prochaine, pardon, en bonne compagnie. Exact. Et continuez d'être sur Radio Campus, vous êtes au bon endroit au meilleur moment. Des gros becos et à bientôt. On vous embrasse.